des étoiles dans le ciel et tu dis que c'est beau. Tu vois les étoiles dans la mer et tu dis que c'est beau. On pourrait compter celles de l'univers et tu dirais que c'est beau. On pourrait compter les mots que tu dis et c'est beau. Il y a un effet placebo dans tes mots et les mots que tu dis sont de trop. Il y a un effet placebo dans tes mots et les mots que tu dis sont de trop. C'est beau. Tu vois les éclipses dans le ciel et tu dis que c'est beau. On pourrait compter les hirondelles et tu dirais que c'est beau. Et je pourrais compter les mots que tu dis et c'est beau. Y a un effet placebo dans tes mots. Les mots que tu dis sont de trop. Il y a un effet placebo dans tes mots. Et les mots que tu dis sont de trop. Vas-y, bouge tes essuie-glaces. Y'a un effet placebo dans tes mots.